et sur Ma Famille T'Adore Déjà. Alors le pitch est simple, hein, c'est le plus vieux du monde. Garçon demande fille en mariage, fille dit oui, garçon rencontre sa belle famille. Et là, c'est le drame. Alors pour sa première réalisation, Jérôme Commandeur s'est offert un casting 5 étoiles avec Thierry Lhermitte en patriarche à la fois strict et farceur, Marianne Chazelle à la fois bourgeoise et beauf, Sabine Azéma complètement délurée et cartoonesque, Déborah François toujours aussi fraîche et charmante, et bien sûr le héros, le anti-héros, le Ben Stiller français, Arthur Dupont qui monte, qui monte, qui monte. Mais la révélation pour moi, c'est Valérie Carcenti qui compose un rôle à la fois tendre et doux mais hystérique. Elle a une belle palette d'émotions à jouer et elle campe probablement le personnage le plus intéressant et le mieux écrit. Vous savez, Valérie Carcenti, c'est Liliane de Scène de ménage, la femme de José. On l'adore, et dans ce film, on la kiffe formidables. De ouf. Grave. Ils sont top, eux. Voilà. C'est mon coup préféré dans. Donc, tu feras une chronique sur. Sur scène de ménage. Donc, alors, c'est là où ça se corse. Hein. Malheureusement, se payer un casting de rêve n'assure pas de savoir faire le dur métier qu'est la réalisation. Ça manque de tout, en fait. Ça manque de rythme. Ça manque cruellement de rythme dans le montage. Ça manque de dynamisme dans les cadres. Ça manque de ping-pong. Ça manque d'enchaînement, de liant. Ça manque, en fait, d'un réalisateur, finalement. Et c'est pas en prenant un co-réalisateur inconnu au bataillon qui exerce le métier d'assistant réal que ça va arranger les choses, car apparemment, c'est un scoop. Ce sont deux métiers différents. Voilà. C'est ta chronique, c'est ça, Léa. Voilà, c'est ça. Attention, je fais ça sur ton spectacle après. Niveau scénario, je pense cependant que c'est une belle réussite comique. En tout cas, moi, je me suis marrée tout du long. Certains gags sont un régal, tout est très prévisible, mais on se laisse bercer par l'humour grinçant et catchy de Jérôme Commandeur. En bref, ce film est servi par des comédiens haut de gamme, des répliques de luxe, des situations cocasses, même si elles ne brillent pas par leur originalité. Mais la réalisation n'est pas au niveau. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est bien écrit, mais c'est mal fait. C'est l'histoire d'un humoriste qui croit qu'il sait tenir une caméra. Allez passer un bon moment de détente avec cette comédie de qualité médiocre, mais à l'humour plaisant. Voilà. Il faut savoir que dans une heure, Léa fait un bashing. Parce que ça, c'est gentil. Ça, c'est une bonne critique.